بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue aux chers frères نكمل في هذه الليلة ما تبقى من باب الجمعة on va finir durant cette nuit donc on va finir durant cette nuit le chapitre ou le sous-chapitre du moins concernant le Jumu'ah. قال المؤلف رحمه الله عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, selon Salamah ibn al-Akwa', qui faisait partie des gens de l'arbre, qui dit: nous prions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam al-Jumu'ah. Puis nous partions alors qu'il n'y avait pas au mur une ombre suffisante pour nous faire de l'ombre. Il n'y avait pas au mur une ombre suffisante nous permettant de bénéficier de celle-ci pour nous protéger de la chaleur. Dans une autre narration, nous faisions le Jumu'ah avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après le déclin du soleil. Puis nous retournions, c'est-à-dire dans nos demeures, et en cherchant l'ombre. Et donc il devait chercher donc où est-ce qu'il y avait de l'ombre sur la route pour essayer de marcher en sortant de cette chaleur ardente et se protéger du soleil. Salama ibn al-Akwa kana min ashab ash-shajara ay alladhina bay'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Salama ibn al-Akwa, il faisait partie des gens de l'arbre, c'est-à-dire ceux qui ont porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةٍ عَظِيمَ. Et cela montre un grand mérite qu'a cet homme. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Certes, Allah est satisfait des croyants. Certes, Allah fut satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont porté allégeance en dessous de l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux l'apaisement. Et il les a récompensés d'un secours prochain et de nombreux butins qu'ils prendront. Et certes, Allah est puissant et sage. وفي هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال وقد أجمعت العلماء على صحة الجمعة إذا وقعت بعد الزوال واختلفوا لوقوعها قبل ذلك. Et donc de ce hadith on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du Jumu'ah après le déclin du soleil, c'est-à-dire au début du moment du Dhuhr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du Jumu'ah après le déclin du soleil. Et certes, les savants sont unanimes sur l'authenticité de la prière du Jumu'ah lorsqu'elle est accomplie après le déclin du soleil. Mais ils ont divergé dans le cas où cette prière est faite avant le déclin du soleil. Est-ce que cette prière va être valable ou pas ? فذهب الجمهور إلى عدم مشروعية الجمعة قبل الزوال مستدلين بحديث الباب فإنه مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الجمعة بعد الزوال. Et donc la majorité des savants al-jumhur, c'est-à-dire l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, et donc il voit que il n'est pas légiféré d'accomplir la prière du Jumu'ah avant le déclin du soleil. Et leur preuve en cela, c'est le hadith que nous voyons aujourd'hui. Le hadith que nous voyons aujourd'hui, car on comprend de ce hadith montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tout le temps. Donc, il priait tout le temps. Il accomplissait tout le temps la prière du Jumu'ah après le Zawal, après le déclin du soleil. وَقَالُوا إِنَّ الْجُمُعَةَ بَدَلٌ مِنَ الظُّهُرِ وَلَا يَصِحُّ وُقُوعُ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالْإِجْمَاعِ. Et certes, ils ont dit aussi, la prière du Jumu'ah, c'est la prière qui remplace الظُّهُر. Et certes, les savants sont unanimes sur le fait que la prière du Zuhur, on ne peut pas la faire avant le déclin du soleil. La prière du Zuhur, on ne peut pas la faire avant le déclin du soleil. Ils disent, et donc, pareillement pour le Jumu'ah, vu que le Jumu'ah, de toute façon, remplace cette prière. وَجَاءَ فِي الْبُخَارِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسِ. Et aussi, il a été cité dans Sahih al-Bukhari, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait la prière du Jumu'ah lors du déclin du soleil. خَالَفَهُمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فذهب إلى جواز وقوع الجمعة قبل الزوال. L'imam Ahmed, rahimahullah, il les a contredits, il a contredit le Jumhur, et il s'est opposé à Al-Jumhur, et il voit que la prière du Jumu'ah, il est permis de la faire avant le déclin. ومن أدلة الحنابلة حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة والقيلولة والغداة واقعان قبل الزوال. Et donc parmi les preuves de l'Hanabila, de l'école Hanbalite, il y a le hadith de Sahl ibn Sa'd dans Sahihayn, dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim. Sahl ibn Sa'd qui dit, nous ne faisions la sieste al-qayloula, et on ne prenait pas le déjeuner avant le Jumu'ah. On ne faisait cela qu'après le Jumu'ah. On ne faisait la sieste et on ne prenait le déjeuner qu'après le Jumu'ah. Et ici, les termes qui ont été utilisés, c'est le terme Al-Qayloula, le verbe qui vient d'Al-Qayloula, Al-Qayloula que j'ai traduit par la sieste. Le déjeuner que j'ai pris du mot Natarada, ce terme el-radat, et les deux dans la langue arabe, ils nous disent des savants, les deux dans la langue arabe sont faits avant le déclin du soleil. El-radat ou al-qayloula wa qi'ani ba'da aw qabla az-zawal. Ces deux éléments-là, que ce soit la sieste qu'on appelle el-qayloula ou que ce soit le repas qu'on appelle el-radat, les deux se font avant le déclin du soleil dans la langue arabe. لكن الجمهور أجابوا عن ذلك بأن الحديث يحتمل أو يحتمل فيه أنه أراد الصلاة قبل الزوال لوقوعها قبل الغداة والقيلولة الذين قبل الزوال. وقد يحتمل كذلك أن الصلاة واقعة بعد الزوال، فمن أجل ذلك يؤخرون القيلولة والغداة إلى بعد الجمعة، وهذا الاحتمال هو الأقرب، لأنهم لو قالوا وتغدوا قبل الصلاة فكيف يبكرون إلى المسجد. Cependant, le Jumhur, la majorité des savants, ils ont répondu à cette preuve, l'utilisation de cette preuve, en disant que on peut comprendre ce hadith de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il se peut que ici, le compagnon, Sa'd ibn Sa'd, il se peut qu'il ait voulu, par là, que la prière du Jumu'ah, effectivement, elle soit avant le déclin. Pourquoi ? Parce que la prière du Jumu'ah, elle était avant la sieste al-Qayloula et avant al-Ghadat, donc le repas. Et ces deux-là se font avant le déclin. Il dit donc, effectivement, il est possible que ce soit ça qui soit voulu ici. Mais il est aussi possible, et fortement possible, que ce qui est voulu ici, c'est que la prière du Jumu'ah, elle se faisait après le déclin. Et à cause de cela, eh bien, il devait retarder la sieste et le repas après le déclin, contrairement aux habitudes. Mais le vendredi, il devait retarder le repas et la sieste après le déclin, c'est-à-dire après la prière. Et vu que on a ici dans ce hadith plusieurs possibilités, فَمَدَمَ أَنَّ الْإِحْتِمَالَ مَوْجُودُ فَلَا يُمْكِنُ رد الأحاديث الصحيحة بهذا الحديث الذي يحتمل فيه وجهان. Et donc, on ne peut pas utiliser ce hadith pour rejeter un hadith qui est clair. Des hadiths qui sont clairs, qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière du Jumu'ah après le déclin. Et donc, on ne peut pas utiliser un hadith qui n'est pas clair, un hadith avec lequel il y a plusieurs possibilités, plusieurs interprétations possibles, on ne peut pas l'utiliser pour repousser ou du moins pour répondre à un hadith qui est clair. ومن أدلة الحنابلة كذلك ما أخرجه مسلم عن جابر أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كان يصلي ثم نذهب إلى جبالنا فنريحها حين تزول الشمس. Et parmi les preuves de l'Hanabila, il y a le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma dans Sahih Muslim, qui stipule que Jabir a été interrogé quand est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du Jumu'ah. Alors Jabir a répondu radiallahu anhuma en disant, il faisait la prière, puis on partait vers nos chameaux pour les faire paître. Et ceci lors du déclin du soleil. ومفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. Et donc ils ont dit, on comprend de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière du Jumu'ah avant le déclin, puisque justement les compagnons, ils allaient faire paître leurs bêtes et les laisser se reposer, donc au moment du déclin. Vu que les compagnons faisaient cela après la prière du vendredi, au moment du déclin, et donc forcément la prière du vendredi, elle était avant le déclin. لكن الجمهور قالوا إن هذا الحديث مع صحته لا يرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال. Cependant, le jumhur, la majorité des savants, ils ont répondu à cela en disant que ce hadith, même s'il est authentique, il ne peut pas non plus repousser ce qui a été rapporté de façon authentique et claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant qu'il priait al-jumu'ah après le déclin. Wa qad yufhamu min hadith Jabir anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يسرع ولا يطيل في الخطبة فيبدأ مباشرة بعد الزوال ويخرج الناس بعد الزوال بقليل. Et les savants, ils disent qu'on peut comprendre de ce hadith de Jabir radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait vite et aussi il ne faisait pas une longue khutbah. Il ne faisait pas un long discours. Il commençait donc tout de suite après le déclin et les gens sortaient un peu après le déclin parce que la prière ne durait pas longtemps. Et certes, ce sujet, les frères, fait partie des sujets importants. Beaucoup de points sont liés à ça car le fait de choisir le moment de la khutbah est quelque chose de vraiment important. Si on se trompe sur ce sujet et qu'on demande aux musulmans de sortir de leur travail alors que la prière, on l'a faite à un moment qui n'est pas correct, cela peut être très très dangereux. فَالْأَحْوَطُ وَالْأَرْجَحُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ إِنْشَاءَ تَعَالَى. Et donc, l'avis le plus sûr et le plus juste, إِنْشَاءَ تَعَالَى, c'est l'avis de l'Jumhur, l'avis de la grande majorité, qui est que la prière du Jumu'ah se fait après le déclin du soleil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et avec cela, on a fini ce sous-chapitre, le chapitre concernant le Jumu'ah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.